tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternative Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. Ça fait du bien. Salut à toutes et tous, c'est Manu. Bienvenue dans le Rock Alternative Show. Cette semaine, je vous propose une spéciale Blacklist. Noir, c'est rock. À vous de savoir en déceler toutes les subtilités. On a donc ouvert avec le cultissime Back in Black d'AC/DC. AC/DC qui sera vraisemblablement de retour en France très prochainement pour plusieurs dates au Stade de France, sans doute en 2020. À suivre. On va maintenant enchaîner avec la nouvelle bombe du heavy metal américain, les mômes de Unlocking the Truth de Brooklyn. Puis ce sera au tour des tauliers du genre avec Fade to Black de Metallica. À noter que Metallica a effectué un live avec un orchestre symphonique de San Francisco le 6 septembre dernier pour fêter les 20 ans de son album mythique Hess and Haim. Live que vous pourrez retrouver au cinéma pour une séance unique le jeudi 10 octobre prochain à partir de 20h. Alors si vous n'avez pas encore votre place ou si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site des cinémas gaumontpâté.fr et vous saurez tout et vous pourrez peut-être choper le précieux sésame. Je vous redonne le site, c'est www.cinema-pategaumont.fr. Allez, bonne émission sur Stone Rock. tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. C'était Room of Nightmares de Black Label Society. Le groupe de heavy metal américain a d'ailleurs publié au printemps la vidéo d'un nouveau titre, Bored to Tears. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment la peine. On va maintenant enchaîner avec deux classiques, le Paranoid de Black Sabbath et Black Dog de Led Zeppelin. A noter que pour fêter les 50 ans de Led Zeppelin, les journalistes Jean-Michel Guédon et Philippe Margotin ont publié un bouquin vraiment super pour éplucher l'histoire du groupe et décortiquer les paroles des 94 chansons publiées par le groupe. C'est vraiment un must, je vous le conseille. Et ensuite, nous embarquerons direction Brighton, où nous attendent les Royal Blood, avec leur tube Out of the Black. Allez, c'est parti! We'll be right back. tous les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. C'est toujours aussi bon. C'était Royal Blood avec Out of the Black. Le duo britannique était d'ailleurs de passage à Rock en Seine il y a une quinzaine de jours. Retrouvez toutes les photos et le report de notre ami Jean-O sur la page Facebook Rock Alternative News et sur le blog de l'Alternative. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Stone Rock. On va maintenant partir en road trip aux États-Unis avec les White Stripes et leur titre mythique Black Mat. Et ensuite, ce sera The Black Angels et leur Comanche Moon, suivi du cultissime Black Belly de Ram Jam. Le tout entrecoupé d'un léger passage par Reading avec la nouvelle petite bombe du rock britannique The Amazons, dont le second album Future Dust est dans les bacs depuis le printemps dernier. Les Britanniques seront d'ailleurs de passage dans la capitale le 9 octobre prochain pour une date au Gibus en compagnie de nos potes de Deputies. N'hésitez pas à choper des places car ça s'annonce mémorable. Allez, trêve de bavardage, place au rock avec Jack et Meg White. les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternative Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. C'est dingue, hein, ça n'a pas pris une ride. Après un retour en 77 avec Black Betty de Ram Jam, on va maintenant faire un saut 20 ans plus tard avec un groupe que vous avez forcément adoré si vous êtes comme moi un ado des années 90. Je veux parler bien évidemment de Noir Désir. On partira ensuite direction Nashville, Tennessee avec Many Shades of Black des Raconteurs et Shine a Little Light des Black Keys, extrait de leur dernier album Let's Rock, sorti en juin dernier et dont vous pourrez retrouver ma chronique sur Rock Alternative News. les Black Keys, dont on attend impatiemment les dates de tournée européenne, en espérant bien évidemment qu'ils fassent étape dans l'Hexagone. Enfin, on prendra la tournée comme elle vient, comme dit Bertrand. And be thankful when it's done. There's so many ways to act, There's many shades of black. There's so many shades of black. Waouh, ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas sorti un titre aussi jouissif, les Black Keys. On va maintenant se faire plaisir, avec un titre que j'apprécie tout particulièrement, de Soundgarden, Fell on Black Days, suivi de Neil Young et des Black Crowes. J'en profite pour saluer les membres de la Pearl Jamily qui écoutent cette émission. Bisous les amis, on pense à vous. Et enfin, on enfilera notre cuir, on mettra nos boots et on enfourchera la bécane, car le Black Rebel Motorcycle Club et son Beats the Devil's Tattoo sont de sortie. Allez, c'est parti, on y va. Let's go, on the road again. I feel his come to light.

candle calls the mama. I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing love. Hey little thing, let me light your candle, calls a mama. I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Hard, hard to handle now. Candle calls a mama. I'm sure all the hand and I just around. Yeah, so all the hand and I. So is C'était BRMC avec Beat the Devil's Tattoo. On va maintenant s'écouter les Black Lips. Si vous ne connaissez pas les Black Lips, c'est un groupe américain que nous avons eu la chance de découvrir lors de la première édition du Teenage Kicks il y a de cela 3 ans à la cartonnerie de Reims. Et c'est une petite douceur dont vous me direz des nouvelles. D'ailleurs, à noter que les Black Lips seront à la Maroquinerie de Paris le 21 novembre prochain pour défendre leur album Satan's Graffiti or God Arts. Ensuite, on se fera un voyage dans le temps avec Jimi Hendrix et son Manish Boy et les Rolling Stones avec Paint in Black. Et peut-être même que si vous êtes sage, vous aurez droit au Black Magic Woman du groupe américano-britannique Fleetwood Mac. Allez, c'est parti, on y va. Les jeudis de 20h à 22h, le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son avec Manu sur Stone Rock Radio. This morning.

never to come back. I could not foresee this thing happening to you. I can't leave you alone. la sentez, cette douce nostalgie qui vous envahit ? C'était Fleetwood Mac avec Black Magic Woman. Revenons maintenant en 2019 avec le groupe originaire du Kentucky, Cage the Elephant, et ses frères Schultz, qui sont peut-être la réincarnation des Gallagher 10 ans après la séparation d'Oasis. En effet, entre chamaillerie et travail studio, ils ont sorti au mois d'avril ce qui est sûrement leur meilleur album. Nous enchaînerons ensuite avec le Kid de Cincinnati, Andy Black, et avec mes petits chouchous découverts en ouverture de Royal Blood au Zénith de Paris en 2017, les Britanniques de Blaconay. Blaconay, dont le premier album éponyme est sorti en fin d'année dernière et est juste sublime. Vous les retrouverez d'ailleurs en soutien de Of Monsters and Of Men le 4 novembre prochain au Trianon de Paris. Allez, si vous n'avez pas votre place, n'hésitez plus, courez-y. En attendant, on va courir avec Cage the Elephant. Standing there with your red coat on, fresh perfume, looking vulnerable. Black widow girl, you sit and wait till I climb into the web you made. Beck and call, set me up just to watch me fall. Twist and turn, bend and sway. I move and then you push away. We don't have to smash, I raise my hand. How can you all even stand? And why is there joy in this poison? Faking smiles and confidence, driving miles to capture this excitement. I can't take it. I'll break it to you easy. This is hell, this is hell. You're looking at a whisper and you think I'm someone else. This is hell, yes, I am in hell. We don't have to talk, we don't have to dance, we don't have to smile, we don't have to make friends. It's so nice to meet you, let's never meet again. We don't have to talk, we don't have to dance, we don't have to dance. To myself, I'll break it to you easy. This is hell, this is hell. You're looking at a whisper and you think I'm someone else. This is hell, yes, literal hell. We don't have to talk, we don't have to dance, we don't have to smile, we don't have to make friends. It's so nice to meet you, let's never meet again. We don't have to talk, we don't have to dance. C'est pas doux comme du miel, mon petit blaconnet? Allez, maintenant, on va danser avec un autre surdoué de la gratte, Mr. Benjamin Booker. découvert lorsqu'il chantait et jouait dans les couloirs de l'université de Virginie aux États-Unis, le talent de l'Américain a éclaté à la face du monde grâce à son premier opus éponyme en 2014 et glorifié par son petit frère, plus blues et plus soul de 2017, Witness. C'est un pur chef-d'œuvre, c'est que du bonheur. Nous enchaînerons ensuite avec le duo belge Black Box Revelation qui, du haut de ses 5 albums, dont 2 tout de même produits par leur compatriote de Triggerfinger, excusez du peu, vous délivre un blues rock addictif et ont ravi le public de Bruxelles à New York en passant par Paris. Vous l'aurez compris, Black Box Revelation, c'est un groupe qu'il faut suivre tout particulièrement. Puis nous écouterons le pape de la musique rock black américaine, Mr. Lenny Kravitz et son Black Velveteen. Rien de tel pour danser et kiffer. Allez, on y va! Grows so short. at the same time to pass. Well, I can almost touch. I used to think I knew everything, but now I know I don't know much. I don't know much. Young man, savior of my soul, I tell you what it's like to grow old. Young man, the years just fly so fast, and nothing's ever built to last. Breathe in every moment. Got the flavor on my mind. Cause you never know whether young or old. Is this your last day? That's what I'm talking about. Lord have mercy. Tell me what's wrong. Tell me, I swear. Tous les jeudis de 20h à 22h. Le Rock Alternatif Show. Le meilleur du son. Avec Manu sur Stone Rock Radio. Simple and clean, oh. C'est bon ça, hein ? Bon, ce deuxième numéro du Rock Alternative Show touche malheureusement à sa fin. Et pour terminer, je ne pouvais pas passer à côté de deux institutions du grunge de Seattle. Nous allons donc conclure avec le Black Gives Way to Blue d'Alice in Chains et le mythique Black de Pearl Jam. Pearl Jam dont on attend toujours le nouvel album qui sortirait vraisemblablement en début d'année 2020. Et si jamais Eddie et sa bande pouvaient honorer la France d'une ou plusieurs dates pour la prochaine tournée, bah on ne serait pas contre non plus. J'en profite pour embrasser nos amis de la Pearl Jamily et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même lieu, même heure, pour un nouvel épisode du Rock Alternative Show. Excellente fin de soirée à vous sur Stone Rock et à très très vite. Bye bye! Taste it and breathe.